والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw biñu sante yalla julli cent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu haq bu baaxa baaxa baax di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal kon insha Allah ta'ala comme ñu ko baaxo diko def tay insha Allah dañuy delu ci wat ci njangum hadith wu téré bo xamantene moy bulughul maram min adillatil ahkam bu al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah xamantene mom yegor na ci niveau bi nga xamantene dañ ko don wax amirul mu'minin manam amirul mu'minin degeere la bo xamantene ci ñu ñeek ñi amna ñen ño xamantene ñoon lañ ko daan tuddé amirul mu'minin amirul mu'minin bi nak bokut ak amirul mu'minin bi nga xamantene mom lañuy faral di wax té diko di ci djublu ki nga xamne mom moy imam djulli ni di khalifa yenté bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non lañ ko doon dakanté le sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi nga xamne mom moy ci ñeuk wax amirul mu'minin ginnaw bi fi yenté bi sallallahu alayhi wasallam djige dañ ko doon wax sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala dañ ko doon wax khalifat rasulullah sallallahu alaihi wasallam am khalifa yent bi sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala mu genné aduna sayyidina umar radiyallahu anhu ñu ñu waron ko wax khalifatu khalifatu rasulullah manam khalifa yi khalifa yent bi sallallahu alaihi wasallam ñu gis né ordre bobu titre bobu buñ ko topé bu ko genn aduna ñu nan khalifa khalifa yi khalifa khalifa yi khalifa yi khalifa bu yagne day da no nek lo xamantene buñ ko meuna lim wala bok pour lim ko day jël temps bu gudd e que boudé pour bind ko day jël tamit kay yu bare bare ñu né légui dañ ko wutal titre ki nga xamantene dal mom mo fi nek di njitu jullu ñi dañ ko wutal ab titre ñu tuddé ko amirul mu'minin lool mom mo indi titre amirul mu'minin wax ñi xamné ñom ñoo ñew ci ginnaw ñu leen di wax amirul mu'minin sino kenn lañ doon wax khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom moy sayyidna abakar radhiyallahu ta'ala anhu wardahu an nabiy kon amirul mu'minin bi nga xamne mom nak lañ wax ni manam moy njitu ñi nga xamne ñom ñoy way gëm ni manam jitu julli ni bi nga xamne mom lañ wax nak bobu bokul ak bi nga xamantene mom moy ba nga xamne mom lañ tuddu nga xamantene koku manam administration la politique spirituel et cetera manam côté bobu la gëna lu fété manam plutôt administratif politique contrairement ak bi nga xamantene nak manam man qabala manam di ab jaloore bo xamantene ben natuway la bo xamantene dañ ci tek kep ko xamantene dafa ag fenn ci xam xam ci walu hadith ndax ki nga xamantene hadith dafa am ñi nga xamantene ñen lay wax manam ko xamantene dañ koy wax muhaddith muhaddith moy ko xamantene ci xam xam hadith de manière générale xamna ci lu bare bare bare amna yu bari yum ci mokal ba pare xamna règle yi nga xamantene mom la xam xam hadith ci dox koku dañ koy wax muhaddith ki nga xamantene mom moy ki nga xamne mokulul yu bari mais téré yu bari bari manam ay jang na len wala bok lire na len ci kanamu serigne ci et cetera solo na len koku dañ koy wax musnid koku mom lañ wax musnid bu fekkante nak nit ki dafa yegg ci niveau bo xamantene dafa xam lu upp ci ruwati manam ñi solo hadith mu xam seeni tour xam seen as seen touru bay xam seen askan xam fan ñu dëkk ban génération lañ bok xam époque bi nga xamantene mom lañu dund xam dëkk yi nga xamantene fa lañ jaar xam ban dat lañu jenn aduna bu fekkante ne xol nañ li upp ci ñi solo ñi nekk ci xéere yi xam na genn walu gi xam bu mel nonu wala lu ko ba paré mokal tam lu upp ci genn walu texte hadith yi koku dañ koy daanu mëna wowe hadith kok lañu al khafis lolou comme li nga xamantene mom la al imam al mizzi rahmatullah alayhi al khafis wal mizzi rahmalahu taala mom definition bobu la joxe ci al hafid tanta ki nga xamantene manam mom moy al khatib al baghdadi rahmatullah alayhi mom dafa gënono sori ci lolu moy dafa dafa wax ne dafa fook mu nek ko xamantene day bolé yépp ba paré nek ko xamantene limi xam day manam danaka buñu xolé ci xam xam hadith liku ci wër war ta bari manam buñu ñëwé tuddu nit ko xamantene dafa nek ci chaîne de transmission yi ci est moy ñu tuddé isnad wala texte hadith manam ñu gis ne mom amna xam ci hadith bo xamantene xam ko lool day nek lu tum rank ak ko moy al hafiz waye loolu pour ñi nga xamne ñom ñoy ñu mujju ni bi nga xamantene mom lañu mujjé japp ci ne bu ñu wax al hafiz kok lañ ci djublu moy ki nga xamantene mom moy comme bi al imam al hafiz al mizzi rahmatullah alayhi manam teur wax ne definition bi xamne mom la joxe ci xam ci wone al hafiz motax ñu wax al hafiz ibn hajar rahmahullah al imam al hafiz ibn hajar ay ak ñu mel non ñu al hafiz as-suyuti al hafiz ñeneen ak ñaa xam dañ leen tuddé hafiz am parce que liñu mokal dafa bari ci jamono yu mujj yi ñi nga xamantene mo leen leen tuddé hafiz manam ku melni sayyid mahmud hafiz sayyid mahmud hafiz al misri at-tijani radiyallahu anhu mom leen ko tuddé hafiz d'ailleurs mom tuddul won al hafiz en fait mohammed la tuddol né hafiz dañ ko ci yok ngir mokal manam maqam manam martabay hafiz bi mo xamne yorno ko ci xam xam hadith ku melni sayyidi abdullah ibn siddiq al-ghumari ak magam ahmad ibn siddiq al-ghumari rahmatullah alayhi ma ñom meuf na leena manam meuf na wax na ay hafiz manam ñom dañu wax hafiz buñu guéné ñoon nak suñu jamono ji pour ñu tuddé nit hafiz mom loolu dafa compliqué voilà mais ñom mom meuf na leen tuddé hafiz ñi nga xamantene ñom ñoy ak ku melni al hafiz abu khudda mom tamit manam ben serigne la tamit bu nekkon makka ko xamte bo al hafiz kon serigne mahmoud hafiz mom égyptien la buñu xolé ki ñi nga xamne ñom ñoy ki ñom tanja la dekk maroc ay marocain lañ romar yuuna yi han d'ailleurs ñom seen famille bi danaka ñepp danaka mën nañ leena melale mais ay xofaz rek sino bo guéné ci ñooñu nonu ki ñuy mëna hafiz ki kuma tuddu sans al hafiz abu khudda mom makala nekkon et cetera mais bari wuñu manam ñu tuti lañu ñi nga xamne tane vraiment ay xofaz lañu ci suñu jamono tanta amirul mu'minin nak manam mom baat bobu nak dafa gëna kawé encore manam loolu duñ ko wax luñu ko xamantene dafa yegg manam ci bir xofaz yi manam daf ci am niveau bo xamantene dafa kawé kawé way bo xamné manam même ci seen bir xofaz yi sax manam xofaz moy pluriel ku ñu xafiz manam xofaz yi mam seen bir sax manam ñom dañ ko daño xamné ki mo leen raw mo leen sout et que référence la même ci seen bir manam dafa tellement que dafa kawé kawé way bo xamantene dafa jéggi lay ñoñu nonu muy amirul mu'minina manam lool nak duñ ko wax lu duñu rara ku melni imam al-bukhari ku melni imam ad-darqutni ku melni al-imam shu'bah ibn hajj min al-hajjaj ku melni manam ñoñu lañ ko daan wax ay daan haati amirul mu'minina wala ku melni imam ahmad ibn hanbal ñoñu nonu rahmatullah alayhi ñoñu mënum lañ tuddu amirul mu'minina wala imam muslim rahmatullah alayhi amna ñuy wax sax ne manam mëne fu ko tuddé non mais comme ñu xamné non la amé kenn ko foko ci tontu ci way katé né bu fekkenté né vraiment imam muslim du amirul mu'minin kon kan mo koy nek vraiment parce que voilà imam muslim non ibn hajjaj rahmatullah alayhi ki nga xamanté né mom moy ki nga xamanté nak manam ci ñu mujju ñi nak الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه كسه موم لنجي واخ امير مولا ا تي ني مودي موم كسه ورا ني ني واخ ني كاي واخ تام خاطر حفاظ كي خامتني موم مو تخ حفاظ انا مو لن بلافوني فوالا الحافظ ابن حجر رحمه الله فوالا موي امام بو ماغا ماغا ماك تي خام خامو حديث ak li nga xamantene mom mo ci wër wërlo nga xamantene dafa dem nanon zamzam dem makka du nante ndox zamzam ndax yenté bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne zamzam mom lo ci nané rek manam yalla nangul la sa ñaan ci loola muy ñaan zamzam ne yalla na mel comme wala ma raw imam al-hafiz az-zahabi imam az-zahabi rahmatullah alayhi imam bu mag bobu rahmahullah bi nga xamantene mo ne dafa bëggoon mel comme kok yalla def nak mu musul ko wala yalla def mom buñ ko nané ngir yéré bobu yalla def na musul imam az-zahabi rahmahullah ta'ala ala kulli hal kon kok moy al-imam al-hafiz al-hajar rahmatullah alayhi mom mo bind téré bi comme niñ ko xamé ci njalbeenu téré bi daf ko bind ci bind yu yéme bu jéggi day comme ni nga xamantene depuis biñ tambalé ba légui ñi ngi gis manam ni nga xamantene non la noséwé téré bi manam non la ko organiser ñu gis né daf ko nosé won wo xamantene wu doyar la wu yéme la wo xamantene bu rafet la bo xamantene tamit gis nañ ni lég lég daf ci duggal ay xéti rabbin manam day rabbé téré bi no xamantene ba far indi hadisi muy choisir tamit muy nga xamantene mom lay indi manam di choisir version hadisi ci anam go xamantene lég lég sax ñen ñi da ngay gis né ci ñi nga xamné ñom ñoy shurahi manam ñi di sharh téré bi da ngay gis dañuy am problème mu mëna xam lutax mu wara indi li fi lutax mu waxé ni lutax indi wul hadis bi ci version bi et cetera manam té pourtant da ngay gis né manam lég lég ñen ñi sax japp né dafa joom ci ni mu waxé fi et cetera sans baye xal wax gi nga xamantene mom la waxon ci njal bir gene tahrarahu tahriran balighan ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا ولا يستغني منه الطالب الراغب المنتهي ولا manam kepp ki nga xamantene manam moy téré bi bo gisé ma bindé ko ni ségué ko ségen wu rafété ni moy dama bëgg kepp ko xamantene dang ko mokal ci sa biir ndabot bi man sa biir mass bi da ngay nek ko xamantene da ngay ragné ko wala da ngay ragné ko teyit ki nga xamantene mom moy talib bi digg doomu bi mom daf ci jarignoo lu bare bare waye ki nga xamantene mom moy ar-raghibul muntahi ki nga xamantene dafa dem ba yegg ci njobatal xam xam yi mom koku tamit manam du fokk day koy dokoy soxla tamit manam du ne rek soxlawumako voilà muy téré bo xamantene comme niñ ko gissé tamit niñ ko depuis biñ tambalé ba légui comme niñ ko gissé manam mu bari ay ganjar yo xamantene ñom ñoci nek ak ay xéti ñariñ yu bari yo xamantene ñoci nek mu kon yalla nañ ko yalla fayam gën di fay ci liggéey bu reuy bi nga xamantene mom la liggéeyal l'islam de manière générale ndax comme la al imam ibn asakir don wax rahmatullah alayhi ne sharh sahih imam al bukhari rahmatullah dafa nek lo xamne bor la bu teggu ci loosu xet yépp ba pare ba tay kenn yek teggu voilà li nga xamne mom al imam as-sakhawi rahmatullah alayhi wax mom dafa ne al imam al-hafiz ibn hajar bi rahmatullah mal imam ibn asakir bu fecc bu gisone sharh bi ci suñu serigne def mal imam hafiz ibn hajar wala mom talib wa hafiz as-sakhawi wa talib mom imam hafiz ibn hajar talib bi gëna rañé ko ñom ñaar ñu la hafiz as-sakhawi wa hafiz suyuti wala manam hafiz as-sakhawi rahmatullah alayhi imam as-sakhawi rahmatullah dafa ne suñu serigne bi mo hafiz ibn hajar rahmatullah bu fekkonté na imam ibn as-sakhawi rahmatullah gisoon na sharh bi nga xamantene mom la def ci sahih imam bukhari dina xamne yekiti nañu bor bobu manam kon legui loolu nga xamne mo galu won ci loosu xépi suñu serigne yekiti nako niki nonu keneen ko xamantene tamit yekiti nako wax deug moy al hasib al ayni wala al imam badruddin al ayni rahmatullah alayhi mun ci yom dafa faari al hasib al hajar fi wa fathul bari wala ñom ñaar vraiment liggéey nañ liggéey bu rafet ci sharh bi nga xamne mo la def sahih imam bukhari rahmatullah alayhi wa surtout الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى موم دا فا نيك كو خامتاني فريمان دا فا دا فا جيغي داي تي تي تي ني مراغني كو تي خام خام حديث ام لي خامتاني موم كو وورو لو اندك لول ييب ناك مانام بوروم فوم فك لا تامي بو خوت كو خامتاني بو كاوي كاوي لا نيك تاميت نيتو يالا بو سيل باسكو داغي غيس ني مانام لي موم خام اك ليغا خامتاني موم مو نيتي موم تي اي خيتي خام خام مي نيو داجالووي نونو تي موم اك نيم كو ميتريزي اك ليغا خامتاني موي روايه لي مو سولو ci ay xéti xam xam ci ay sirin yo xamantene yu wuté lañ nga xamantene amna ben machi xam bobu non nga xamantene mom la def moy muajam bobu nga xamne lu tollu 800 ci ay sirin yo xamantene keñ neen ñay da nga nek ñoom jëlé ci ñoom ay xéeti xam xam yu wuté jëlé ci ñoom ay téré yu bari bari yo xamantene jàngé nako ñoom manam bo xolé temps bobu rek day gis ne ki ku yémi la wa xamantene sahih imam bukhari ci ñent jotay lako jàng ak sahih imam muslim rahmatullah alayhi juroomi jotay mo jama tabarani ci digënté benn tukki bo xamantene ci kaw mbamam la nekkon ci lako jàngé manam yoyu lool da ngay gis ne kok koko da ngay gis manam ne budul nit ku wala borom may deug du man lolu wala manam wala donc nit la ko xamantene ku doy war la ku yeme la ba pare mom moy tamit mom souvent mom lay wax ne mom lay tuddé pont bi manam pont bi dans le sens où mom moy ki nga xamantene mo relier génération yu jikki ak yu mujjii ndax al imam hafiz al hajar rahimahullah bo xolé sanad manam cyall yi nga xamantene ñoo ngoy dem ba ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith yi ak manam xam xam ñu jikki ni bo xolé nimu leen dajale da leen dajale de telle sorte que ba pare ci ak ay cyall yu wër yu deugër yi nga xamne ñoo yi gëna deugër ci am ci kaw suuf de telle sorte que kep ko xamantene manam dafa rare du gis cyallale bu dem ba ci ñoonu té loolu né day romb né bu jaar jël nga gis ku ko solo jël ci diw bu yéggé da ngay gis tout temps da ngay gis al hasib al hajar ci cyallale bob ci digg bi manam mu relier ñu jëk ni ak ñu mujjuñ wala Allah mo rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a yalla nako yalla fay gën ci fay ci liggéey bu rafet ak manam jigg day bi nga xam tane mom la defal xéet yi wala ak li nga xamantene mom la ko borom subhanahu wa ta'ala yentou bi sallallahu alayhi wasallam utiliser manam ci liguey bu tollu nonu ci diine ji kon al imam al hafiz ibn hajar kon rahmatullah kon terim bi nga xamantene moy bulughul maram min adillatil ahkam nga xamantene mbolam manam bo xole fiqhu l'islam bi daf ko deunk dajale ko ci bir ci ay hadith yo xamantene da ko indi ak organiser ko ko teggul wo xamantene teggul rafet la yalla vraiment manam ba nga xamantene ku ko gis te xam te xamé dina xamné li du ligéyu ko xamantene manam du ligéyu ku touté té téré bi yépp daf ko bindu ko parce que daf doon delu wat ci téré yi mais da ko bindu ci mokalam manam dafa tok ni rek jël kay digi commencé bindu ko ci mokalam ba téré bi jéx voilà té boko bolé ak le fait que muy ségg riwayat yi manam di ségg né hadith bi manam yi gëna wër li la ni manam hadith bu fu wërul mu préciser ko préciser fan la nek ki téré préciser ko ci manam ak noor mu ko indé yépp manam di nga xamné ki bindu téré bi du vraiment ko xamantene la ku doy war la ci yalla manam ko xamantene ku yéme la ku magla dañuy wax nak né domam lako bindalon manam dako bindalon domam pour mu mokal ko dako bindalon domam pour mu mokal ko borom subhanahu wa ta'ala def nak domam joju mokaluko waye ay junni nit mokal nañ ko déjà ci mom bimi dund ak après manam ba légui ni ay junni ñi ko di mokal voilà kon lolou da ngay gis ne manam lolou barké la bo xamantene bo xolal mom hafiz ibn hajar rahimahullah doyna ci woné ni manam nit ku sel la nit ku bax la manam moy ne barké bi borom bi def ci téré mi xamantene bu bindé ben téré surtout ci xam xam hadith yak ñi ko won manam da ngay gis ne téré bobu day daal nekk référence ultime ci domaine bobu comme bo xolé al kamal bi nga xamantene mom la al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahmatullah alayhi billon bi nga xamantene al kamal fi asma'ir rijal manam ni nga xamantene ñom ñoy bo ñi indi manam ni nit ñi nekk ci al kutubu sita manam jurom ben tire yi dafa am dafa indi sen chaîne de transmission manam ñi nekk ci chaîne yop daf leen jël ñom ñepp mu jël leen manam kutubu sima ñaar sahih imam bukhari bu imam muslim sunan imam abu daud at tirmidhi nasa'i ibn majah sallallahu alayhi mu jël leen ñom ñepp ku nekk ci chaîne bi rek mu defal la tarjuma mu defal la biographie voilà mu defal la biographie wax yow yaay kan fan nga dëkk na nga ki et cetera ñan ñoo nekk ci serigne ñan ñoo nekk ci et cetera fan nga jaar ndax ku woor nga ku ki nga yeen sédé lañ ma am ci yow et cetera mu nekk téré bu reere bi nga xamantene def na lolu al hafiz al mizzi rahmatullah alayh mom bi mu ñewé dafa né day def lu ñu tuddé tahdhibul kamal manam da koy organiser wat parce que dafa déssé wor organiser wu légui da koy organiser wat hein ba paré xat ko ñaari xat benn bi mu tuddé ko tahdhibul kamal nga xamantene da koy jël préciser bind yi nga xamantene ñom ñoy ñoñu nonu mu yok ci ñi nga xamné ñoo nekk ci muwatta yok ci ñen ñu nekk ci musnad bi wala ak ci muajjami et cetera manam mu yok ci ñoñu ba paré dal di résumer affaire manam dal di koy wacc tout comme tay bu rebou al hafiz comme ki day ñu par exemple diw amone 200 nangam serigne 200 yep mu limlel bi pa ak nang ay 300 wala 400 nangam talibé bi pa al hafiz musique bu ñëwé da koy teunk rek ci am yenn rek yum ci ñu ci préciser par exemple bu ci 200 bu ci limer 50 day dal bax par exemple yu mel non al hafiz ibn hajar rahmatullah bi mu ñëwé daf ko gëna teunkat tuddé ko tahzib parce que al hafiz ibn mizi rahmatullah bi mu défé tahzibul kamal da ko bét ba paré da di jël li nga xamantene mom moy benen téré bu mu tuddé tuhfatul ashraf dafa jël téré manam ñi nga xamantene ñom ñoy hadith manam kenn ku ci nekk sa hadith yi au lieu mu né ki solo na hadith sangam dedet deful nonu comme li ki defone al hafiz abdul ghani lim def rahmatullah alay mom defewul non mom lim def moy dafa ne damay ber ñi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi sen biographie ma tek ko du côté tuddé ko tahzibul kamal bokk tam téré bu reuy la ay en tout cas 30 ak lu tek tout ci ay tom la parce que nit ñi dañ bari en fait ñu bari lañ légi mu jël ñi nga xamantene ñom ñoy mu ben jël benen téré bu mu ben bo xamantene daf ko tuddé tuhfatul ashraf manam fofu daf ciy def rek da nan hadith bu tambalé alif par exemple amna hadith bu tambalé nangam manam comme par exemple ati par exemple ati amna hadith yu tambalé nonu bu voilà bi li lay wax ci li la ci domaine sangam la diw ñoko solo téré sangam manam non la ko defé manam beub non la def ordre par ordre alphabétique non la téggé mbir manam mu ber ko tuddé ko tuhfatul ashraf al hafiz ibn hajar rahimahullah bimu ñëwé ka téré bi nga xamné moy tahzibul kamal dako teunk ba paré nga xamantene légui day am mbir yo xamantene yi ëpp solo rek lay indi ci biographie wu nit ki tuddé ko tahzibul kamal mais mu def benen liguey bo xamantene kenn jitu wu ci manam liguey la bo xamantene génération yépp mom rek mo ko def mom mu tud muy taqribut tahzib non la ko tuddé taqribut tahzib manam lu mu def moy dafa ni tahzibut tahzib bi wala tahzib yi ni mu mel ni ñi ci di jariño moy ñi xamantene dañu xër def yitté bu bari et cetera nangam légi man damay bind benen téré bo xamantene dama koy tuddé taqribu tahzib ngir jéggéñal téré bo mais bi pa damay xaj nit ñi au lieu ma jël nit ñi tuddé fleen bi tuddu nan diw sëriñum diw talibem et cetera yu mel non ba paré di wax nan dédé légui duma def non légui limuy def moy nan moy day xajal nit ñi par génération par ay tabaqat lool moy tabaqat voilà da nan tabaka bu jeuk bi moy niveau bu jeuk bi hein voilà mu jël sahaba yi def len ben tabi'i ñi nga xamantene ci tabi'i manam talibi sahaba yi ñi nga xamantene gis nañ sahaba yu jeuk yu mag yi nga xamne sahaba yu mag yu bari gis nañ len solo ci ñoom jage ñu et cetera ñoñu mu def len kenn mu def len benen tabaka deuxième niveau tabi'i yi nga xamantene manam talibi sahaba yi nga xamne ñoom sahaba yu mag yi fekki wuñ len mais fekk nañ sahaba yi ñen ñu ndaw ñi ñu diggu doomi bok manam fekk nañ mbolo mu bari ci sahaba yi mu def len benen tabaka mu jël ñi nga xamantene benen non la manam non la ko topé dal manam ñi xamantene ñoom ñoy ñi nga xamantene benen niveau moy ñi nga xamantene fekk nañ ay sahaba mais ñu ndaw ñi rek lañ fekk te ñoo rek lañ jangé ci ñoom mu def len benen niveau mu indi ñeneen ñi nga xamantene ñoom jangé wuñ lulul manam ñoom jangé wuñ ci sahaba yi mais gis nañ leen jangé wuñ sahaba yi ndaw yi mais gis nañ leen ñoñu mu def len benen niveau da di jël benen génération bi et cetera non la ko topé manam ba muy 12 génération nga xamantene fim tolu tay buy wax doodul jarati mu nan diw ñoo doon serignam diw ñoo doon talibem jarutul muy def lool lu muy def da nan diw ci génération sangam la bok de sorte que bo xamé ni mom manam niveau sangam la bok yow da ngay dal di meuna xam est ce que buñ né diw serigne diw lool di nga meuna xam ndax loolu yan na mana wala def voilà buñ né diw taa bi diw lool di nga xam ni li yan na mana wala def et puis bo amé ben culture bu ndaw di nga xam né ah d'accord ki solo na ci diw solo wul ci ñom diw et cetera manam non la tégué affaire niki non mu jël tamit ñi nga xamantene ñom ñoy manam solo degré wu fiabilité wu nit ñi mu def leen tamit 12 mu catégorie de jeune manam liko dalé ci ñi nga xamantene manam min awsaqin nas ñi gëna degeur ci nit ñi wala siqatun siqa ku degeure degeur la saptun sapt ku saxa sax la deug ku wër wër la manam genre yoy non ñoy ñu def leen ben après mu jël siqa kessé manam ki ku wër la wala sapt wala ko ñoy ñu def leen benen et cetera non la ko defé ba ci wadi' kazzab manam ki day sos hadisi ki expliquer kat bu mag la day gatch lu bari voilà manam ba ci kokku non voilà ki nga xamantene manam non la ko tege jene voilà def ko 12 ce qui fait que buy def tarjuma nit buy expliquer nit da nan diw domi diw génération sangam la bok ba paré da di wax wirna wala manam ba ci solo 12 degrés nim ko classifier dougal ko ci fenn ba paré da né ané sangam lu genn aduna manam ce qui fait que yow bo gisé nit ki rek da nga dal di mëna xam danaka lepp ci résumé bu ndaw voilà mu dal tuddé téré bobu mu nek téré bo xam tane taxuko reuy nonu manam téré la bu tollu ni à peu près ni han dal koy tuddé taqribu tahfi nga xamanteni manam mu nek téré bu jémé yémé manam nga xam tane légui da ngay gis né légui manam da ngay gis sax ñu muju ni bu ñuy bëgg xam nit manam bëgg xam ci mom dara ni ñu nek ci roi bi da ngay gis taqribu tahfi bro lañu sukkandiko wala ci taqribu tahzib lañu sukkandiko manam gis ni ñu ségué liggéey ni nga xamné ñom ñoy jëkki wala même nga xamanté na amna kenn ci sëriñ ci day wax né kuy wax né al hafiz ibn hajar rahimahullah dafa sharh sahih al bukhari c'est parce que xamulo liggéey bi mu def nu mel al hafiz ibn hajar dafa sharh al kutub sita manam 6 livres yi la shara bi mi shara sahih al bukhari shara wa sahih al bukhari 6 livres yep la sharah voilà manam ndax nan nim doon indi nimi indi version nimi leralé ki nimi manam ni nga xamantene non lay compléter mbir yi à travers yenen tire et cetera voilà niki nonu bo xolé bulugul maram par exemple référence mama la ci domaine d'ailleurs yenen ñaar yi nga xamantene comme niñ ko waxé won non lañ leen man comparer moy ban umdatul ahkam ak muntaqal akhbar ha umdatul ahkam mom al hafid abdul ghani moy biñ doon wax sank biñ doon al kamal fi ma'rifat rijal fi asma'ir rijal fi ma'rifat asma'ir rijal kok mom moko bind voilà mom tam mu nek téré bo xamantene ci ñi sax ci ki rek lay solo manam ñi sax mom bukhara mom wax fa la lay wax ha benen téré bi mom moy muntaqal akhbar manam yim nurul mom mo gëna reuy moy bi al moy al majd ibn taymiyya bind ha bokku tak ibn taymiyya bi moy ahmad han bi nga xamantene mom moy kok seutum la voilà kok seutu al majd bi la voilà kok legui nak mom la al imam ash-shawkani rahmatullah alayhi mom la sharha ci téré bo xamantene bu am solo tamit bu mu tuddé nay lul awta han nakota naylul awtar fi sha'a wa muntaqal akhbar wala han mu nek tam tire bu ama solo bo xamantene mom la bind donc manam liñ ci djiblu won moy al-hafiz ibn hajar rahmatullah tire mi dama dal amna ben tire tam bu bind bo xamantene dafa bi daf ci def liggey bu jeme yeme moy al-isaba fi ta'rif fi ma'rifati wala fi ta'rif as-sahaba fi tamyiz as-sahaba okay jazakumullah khair al-isaba fi tamyiz as-sahaba tire le bo xamantene da ko bind di ci wax manam li ci def biographie sahaba yi am ne lu bare ci sahaba yent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen dagale manam def sen biographie ci téré bob mu nek téré bu riri tamit wa voilà kon motax bu ab sahaba d'ailleurs ñi nga xamanteni tamit ndax sahaba la wala woor nañ du sahaba wala de wërante am ci seen biir ñoñu tamit indi na seen wax indi na leen def seen biographie ba para expliquer lutax wouté yi am ci lool ba et cetera manam kon nga def gis ci liguey bu yémi la def vraiment ci manam bo xolé kon bo xolé domaine yépp yu mi wax ci walu hadith hein da ngay gis né al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi daf ci hein daf ci def liguey bu djéggé da liguey bu remarquable voilà nga xamantene kon mom yalla fay gënal ni fay vraiment ci liguey bu rafet bobu non voilà motax bu liguey tamit xam nga dafa am nit ñu mel non ñoo xamantene buñ fi xibñu xese ba jall ba legi ni gisatu ñu mel mom ñom al hafiz ibn hajar ci ñoon la bok ku mel imam an-nawawi tam rahmatullah alayhi ci ñoon la bok ku mel imam as-suyuti rahmatullah ci ñoon la bok cetera am tane ñom biñu jall ba legi kenn gisatu ku mel ñom voilà ba legi ni voilà donc yalla ko yalla fay gën di bay legi kon ñu ñew ci maintenant suñu li nga xamne mom lañ doon jall ci suñu buntu bi nga xamantena mom lañu nek comme fil bi daanu hadith inshallah taala hadith bi bam fam dañu top tradition hadith bi won hadith bi man ko jale ci sama serigne cheikh mohammed mustapha mbou donc mu jale ko ci cheikh ahmad ibn tamim ibn hussein ad-darwi bogo mu jale ko ci serigne bu ñuy wax abdullah ibn mohammed ibn as-siddiq al-qumari bogo mu jale ko ci serigne bu ñuy wax cheikh omar ibn hamdan bogo mu jale ko ci serigne bu ñuy wax nasrullah ibn abdul qadir al khatib hokum jere go ci abdullah atal al muammar hokum jere go ci serignam buñu wax cheikh abdul khani ibn ismaeil al nablusi hokum jere go ci serignam buñu wax adna muhammad ibn al badr al qazi hokum jere go ci papam mu jere go ci jamaluddin abul fath ibrahim ibn ali al qashqat qashandi legi fofu nak mom moko jere ci al hafiz ibn hajar al asqalani legi hadith bi limuy wax moy ni ci tere bi an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahsilu al maniyya thumma yakhruju ila salati fi dhalika as-sawm wa ana anzuru ila athari al-ghusl fihi متفق عليه وللمسلم لقد كنت أفرقه من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا فليصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بزفري من صوبه كنت حديث يا إمام بيركم بخير kon hadith yoy mom moy hadith yi nga xamantene wala bok hadith bi nga xamantene mom lañu wara jang moy bi nga xamantene mom la limuna an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu maniyya min thawbihi thumma yusalli fihi wa thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghusli fihi متفق عليه ولمسلم كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي روايه ولا بك وفي لفظ لقد كنت احكه بظفري لقد كنت احكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم بظفري يابسا kon lolou mom moy hadith yi nga xamantene manam insha Allah taala mom lañ wara jang ci suñu joxay yi ni muy téré muy hadith lo xam muy hadith bo xamantene dafa nek kon niñ ko gisee ci babu izalatin najasati wa bayanha buntu li nga xamne mom moy di dindi sobe ak likoy leer legi hadith bi dafa ne an aisha dalalun ci sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha wa annaha annaha qalat ne dafa wax ne كان لكون رسول الله دوال يالله صلى الله عليه وسلم يغسل دار رخص المني مني دان نكو رخص ثم توب يخرج مو ген الى الصلاه دم دي جولي دي مانام دم سي جاك دي دي جولي دي وانا تي مان بيمي كوي غيس موي دال ها انظر ماغي غيس الى اثر الغسل تي جيخي تلو رخص دي فيه تي يير بي انا ماغي غيس ني يير بي توي نون muttafaqun alayhi hadith bi muttafaqun alayhi la manam ñaari imam yi muy imam al-bukhari ak imam muslim rahimahullah alayhi ñoom ñaar solo nañ ko ah wo li muslim amna riwaya bo xamantene imam muslim moko solo bobu ñewul ci sahih imam bukhari rahimahullah moy la moy laqad kuntu deug deug laqad wallahi deug deug nak kuntu nekkon na man mom sayyidat aisha radhiyallahu anha ah afrukuhu dan ko khos mom man ni min sawbi rasulillah ci yiri yentibi sallallahu alayhi wasallam farkan ak khos manam dan ko jondju okay ko jondju ci yiri yentibi sallallahu alayhi wasallam fayusalli fihi mu dal ci julle manam man ni bi day nek ni ci yere bi man buma ko gisee mu wow ni dama buma def lu ñew rek dal ko ni dañuy jondju jondju jondju mu lewen dañ na mo bayiko mu sol ko mu julli ci benen bi ci dess mu ne wo fi lafd amna ci ben kaddu ci bir kaddu la kad deug deug deug kuntu nekkon na ko xamne ahukku dama ko dan xos min thawbihi ci yere mom yerente bi sallallahu alayhi wasallam ya bisan fek moy aji wo bi fufuri ak sama we la ko dan xose ha bi saw wala laqad kuntu ahqquhu ya bisan bi zufri min sawbi wala donc deug deug don nako xose ak sama we ci yere yentu bi sallalahu alayhi wasallam ha eh ci ak sama wala min sawbi ci yere kon hadith yi inshallah taala mom lañu wara jang buñ xolé hadith yi mi nga xamantene nonu la lol lay wax donc pour résumer de manière globale dafa am ñaar wala ñetti version version bu ñëk bi imam al-bukhari ak imam muslim ñoko bok solo rahmatullah lol mom motax ñu koy wax lan muttafaqun alayhi baatu muttafaqun alayhi mom moy lan moy ñom ñaar du poñ ci manam tekki wul ne comme diko ñenn ñi di yaakar lay la mu amna fu mu ko mësa gis ci traduction français ben way di traduire muttafaqun alayhi mais hadith bi muttafaq da ne tout le monde se conforme comment se conforme voilà il a ni maroku ni voilà voilà tout le monde se conforme nang alors que tekki wul lool terme manam terminologie la terminologie la voilà comme tay mi ngi melni motax terminologie dafa mata baye xam manam xam xam bu nek lolou mom motax xam xam bu nek ñata mana wax wala bok ñata mana def traduction moy nga xamantene au moins xam nañ ca dara wala bok ki lañ ko parce que sino dañuy jël ben baat traduire ko nenene comme tay par exemple dañ jël baatu sahih sahih bu dé ci hadith sahih mo la moy wërna moy lan en français buñ ko don traduire dañ wax na authentique légui nañ ñew ci usul ci usul sahih moy lan moone yow ki ngay wax ba légui mu tudd yow hadith ngay wax ba légui voilà hadith bu sahih xamna ni ngi xamé c'est condition moy la lan moy cinq conditions 5 conditions pour hadith wir ñi xamanteni ñom ñu faaw ñu dajé buñ dajé ba parti lañu doga ba hadith wir voilà musna voilà donc première condition moy mu nek la moy on a débis wax on nek wax jonne wala defon non moy définition hadith voilà yow li ngay wax ni définition hadith pour hadith wir voilà voilà Voilà. Mais... Musnad, moi, là. Musnad, mon chien. Chaque personne soit une personne fiable, ouais. Qui n'ait pas de trou. Voilà. Voilà, voilà. Et... Hein? Hein? Ouais, mais d'abord les gens reprendra. Il faut que mon éclat ne l'ait pas. De faire jocolo. Voilà, des jocolo parce que chien lui, c'est jocolo. Bin mon avoir nuire. Ah et que les personnes elles écoutent la, qui soit pas Hassan Sarin, c'est donc elles oublient pas quoi. Chaque personne. Ouais, maintenant mon éclat coucou, l'homme est nul, l'homme est sépa, maintenant il faut que donc mon éclat musna. Manam lo xamantene dañ koy remonter bi ci dess mom moy mu nek lo xamne day am mawsul lay doon manam moy day am une interruption fokk mu am ci chaîne bi de telle sorte que kenn ku ci nek da nga jëlé ci kenen ki sans mu am interruption faut que donc de génération en génération ñepp jokkolo kenn ku ci nek fekk na li ngay wax ni da nga dingé ci sa ci kene jeles da fekk na effectivement mom ngoko dege je même génération bobu benen condition bi mom moy lan il faut que kenn ku ci nek ci chaîne bi nak nek ko xamne lan la pouvoir siqa moy ku wor lan moy siqa lan moy ku wor nam lan la nga xamni di ku wor la hein day tak ni wax ko wa après il faut pas qu'il ait fait des grands péchés et qu'il soit limité dans les petits péchés. C'est quelqu'un qui ne connaît pas de grands péchés et qui fait très peu de petits péchés. Oui. Non, attention. Pas que petits péchés. Non, mais oui, voilà. C'est-à-dire que moi, Moussir, du nek Moussir, moi, quoi, Hamne? day nek ci ben bakkar tout temps diko def même boudé bu ndaw la manam mais lool moy lool lan lay woné day wara ni nit ki lan la en fait la fiabilité moy nek ci tax ñaari condition rek la ben condition moy lan moy kuy tak kuy jaf di tak lool ben la moy David soit muy mokal ci xolam wala bok muy bind wala muy enregistrer wala yu mel non de telle sorte que sa yu soxla waté wax ji mu dégol mu meuna déllu wat nane koy restituer nim ko déggé won mo xam da koy mokal mo xam day am fum koy gravé lool mom moy dabit mais lool moy deuxième condition bi pour nit ki wor dafa am benn condition boy bi ndik bi bo mo upp importance sax mo kal voilà moy mu nek ku manu legui nak manu wa manu moy ko xamne lan du def bakaru mak voilà te bu sax bakaru wa kay lool moy manu manam nit ki dafa manu moy dafa juste nit ku juste moy kan moy ki nga xamantene du def bakar bu mak bu dama nek ñom ray nit ak ñom nan sangara ñom ndialo ñom jabar ñom lan wa bokale dañ koy jëgël ha du expliquer manam du wax lu deug ah ha man do c'est pas juste pour moi juste le how to do pour man pour lui yepp peut être quelqu'un qui a de l'équité qui peut être équitable pas forcément équitable mais qui a de l'équité équitable mais peut-être l'équité voilà lol la manam pour mu mel lol il faut manam voilà donc du def bakkar bu ndaw bu mag mais xam nga bakkar bu mag bi le fait que nga diko def surtout de manière publique lol day signifier que ni yow ragalo yalla mais bakkar bu ndaw bi do ci wey manam do nek ko xamantene tout temps ya ngi def bakkar bu ndaw parce que bakkar bu ndaw du mom ci bopam parce que nit meun na di def bakkar. Mais le fait que même Bakar mi nga diko répéter diko répéter diko répéter moy wone ni amna ben xétu ñaka fonku yalla manam ñaka fonku yalla bu nek ci sa xol lool mom motax manu te ñu bare bare bare bare wad motax ñu bare bare bare ñu wadal le depuis longtemps ndax manu te bobu lañ amul lool mom motax yu déme nek motax amna yo xamantene manam même bu fekkante na do bakkar bu mak comme lu demé nek ñom doxante loxoy goor ak jigéen ni par exemple du bakkar bu mak bakkar bu ndaw la au moment wu ndialo la xétu ndialo la mais xétu ndialo bu ndaw la mais le simple fait que nit ki diko def muy répété wu moy wana ni ki joxul ben importance manam xolam day yeglé ni xolam dafa am faiblesse bu jingi day bu ci nek wala bok ñanka dox ciir yalla ñak dox ciir ay akem bu ci nek lool mom motax ñukoy wadal leen ko lool moy manu ha voilà legi on reprend manu moy lag moy ko ko xamne bu def dal bu def bakkar bu mak te du wey ci bakkar ndaw. Légui siqa moy kon xamna dafa manu ba pare nek kuy kuy tak kokku moy ku bour fiable quelqu'un de fiable moy ko xamne dafa manu ba pare bu day tak manam ko ku mel non tay par exemple bu demone ko xamantene par exemple mom limu xam yeb da ka bindu wala da ka ansre bu demone tay ba ansre mam ñu rir wala téré ki lim bindon lak wala mu reer koku dootu sikha manam mën na nek ku manu mais dootu sikha worutul koku worutul manam diko baye diko c'est information di jël ci mom information worul parce que mën na djum ci num lay joxe information ni muy restituer donc il faut mu capable restituer information bi comme ni nga xamantene non lako jël won voilà lool kon mom moy manu. Donc condition ñu délu ci wat kon sahé première condition mom moy na nek lo xamné day remonter chaîne bi li remonter monsieur ba ci kiñ ko askané la bu dé yentibi la sallallahu alayhi wasallam ñaaral mom moy il faut ko mu jokkolo moy mu am une interruption en continu ñettel mom moy ñepp ñu nek ci chaîne bi il faut ñu nek ay lan ay sekha ba ñu wo ñentel mom moy lan voilà hadith bi muccu ci chuzuz liñ wax ak chuzuz moy charge moy lan hadith isolé voilà moy ko xamantene ay waxam day isolé wu lool moy lan lan moy chuzuz lan moy beru isolé wu bob moy lan moy lool moy wax bo xamni ni ci kenn rek lañ ko déggé lool ben façon chuzuz mais du chuzuz bu yaq bu yaq hadith bi mais bi yaq hadith moy lo xamantene moy nit ko xamantene dafa solo lu wute manam nit ku wor rapporter lo xamantene lan kuku gëna wor soit en qualité wala en quantité dañu wute ak mom moy lan lool moy lan lool mom moy ne modou de ku wor modou nek li na ben evenement mais nak samba moko gëna wor mais li modou netali ak li samba netali dañoo contradictoire kon li modou netali lool dañ nan dafa bew dañ nan chuzuzu ça va benen bi ci def mom moy modou de wor na waye limu netali dafa wuti ak lu yenen fukki nit wor netali même boudé ñom ñoo tolo wor koolute han dañu la dañu wax na limu wax dafa bëru kok moy suñu donc il faut que hadith bi pour mu wor il faut que mu muccu ci suñu mu muccu ci lool benen bi ci res mom moy la mu muccu ci lan moy 5ème ci illa illa moy sik n'importe quel problème bu mu mëna am han illa han ah wala bu muccé ci illa moy sik moy il faut que par exemple moy né nit ki wax lo xamantene dañu xamné no ki da wara djum ñum ni mu netalé wax di wala dafa djumté le manam duné dafa duné mom mo worul duné ki du dara mais mom mo djum dal mo djum maintenant cause yi ñi mëna xamé ni dafa djum nak dafa bari mais bokku na ci li gëna jafé ci xam xam hadith moy yelan moy plusieurs ou yelan moy meuna xamé naka lañu xamé wé ki netali djoumé tay fim tolu buma ñewon tay netali neul dem na paris demb gis na fa nangam ak nangam ñew delu ci ngeen xamné man dama djoum lolu naka lañ koy xamé wé né dama djoum nima netalé dafa am détail bo xamné dama ci def erreur ci netali gi lolu bokku na ci li gëna jax lolu mom motax ñi nga xamantene ñoom ñoko gën ñu jëk ñi ko gënono man sax nga xamantene ñoom ar-razi an nakal tudde abu khatim al hafiz abu khatim abu zura ñoom rahmatullah alayhim ñoom ar-razi yani yoy abu khatim ar-razi ñoom hafiz abu zura ar-razi rahmatullah alayhim ñoom par exemple ñu daan xamé wé dañu laj an imam abu khatim rahmatullah alayhi niko me man amna ñoom me yeen hadith bu xamantene yeen chaîne bi yeb dafa juk lepp fi ngeen xol lepp juk normal téréwul ngeen xamné hadith bi wëru naka ngeen koy mëna xamé wé illa bob sik bob mune wadi so démé tay ci kuy jaay or man kuy jaay ay jaam ak ay lam may or ak bijoutier nga lak ga dox ko ben jaaro ne ko est ce bi or la wala du or mu xol ko ne la li or la wala mu xol ko ne la non li du or nan la koy xamé wé mu na parce que xana experience manam le fait que mu yag gis or diko xamé xamni li manam je sol ko bu ko gisé rek da nga xamni li du or non la koy xamé mu ne ko ñun tamit non lañ koy xamé manam le fait que lool mo motax xam xamu hadith ni ci imprégné wu dañuy imprégné wu ci xam xam bi de telle sorte que dañuy melni comme li imam shafi wax buma gisé ñi nga xamantene ñom ñoy ñi yëngatu ci xam xam hadith da fay melni sahaba yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lay gis parce que lan motax parce que tellement dañuy imprégné wu ci waxu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ak ay jëfum de telle sorte que manam lu yenen tibbi waxul rek wala def ko rek bo len ko waxe dañ xam ni du deug parce que tellement dañ imprégné wu ak mom tellement ba c'est comme si day dund ak mom effectivement manam nga xamantene luñu wax day xamni lu yent moko wax wala waxuñu maintenant lolu ben niveau la ci man ko xamé amna benen niveau bi nga xamné mom lañu xamé ci ki moy lan moy né da ngay moy le fait que ngay top ngay xol wax ji ñiko solo ñepp xol et cetera ba finalement nga daal di jël sedd yépp xol comparer di nga gis ne ah d'accord kon diw mo def erreur ci ni mo netale wax ji lolo tax mu wuté ak yenen wax yi wala lolo tax wax ji melni wala yoy non manam dinañ mëna xamé dañ mëna situer par le problème am ak lutax problème bi mëna am voilà la moy deux quoi ça la moy sik vice non vice défaut voilà kon hadith pour mo yor tamit il faut mu muccu ci défaut bobu légui kon 5 conditions okay. Pour nous wérna wala légui kon pour delu wér baat wér sahih suñ ko waxé ci hadith li lay tek mais suñ ko waxé ci usul wala ci fiqh lan lay tékki buñ né jaamu yalla bi wërna fas mo wax salatuhu sahiha moy julli gi wërna moy condition ñu mo do réni pour julli gi mat lepp mu ngi fi mo la xamné sharia da koy nang voilà wërna non dédé waaw sharia da koy nang waaw heureusement que utiliser sharia nga utiliser manam sharia da koy nang moy né kenn dula wax né la jul li da ko wara reprendre manam bax na Parce que je veux dire. Toi, tu parles des amis, mais ça, c'est la terminologie. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit, par exemple, la prière SRL, quand on dit les conditions authentiques, parce que du coup, comme il y a des conditions qui... Voilà, il y a des conditions yutakh. Non, non, non. Il y a une chose, vous savez, nous d'accord, c'est que l'homme, moi, je suis allé à l'église. Moi, conditions, je suis allé à l'église. Tout est là. Et pilier, je suis là. Ba paré mu muccu ci li ñuy tuddé al mawadi'a manam shuruti dafa am lu ñuy tuddé shurut charte charte xam nga charte charte manam li la xolal légui après ñu définir lool mais dafa am lu ñuy tuddé charte am lu ñuy tuddé sabab ba ngi dé am lu ñuy tuddé ruknu am lu ñuy tuddé mani'a légui nañ jël ben yi pour ñu mëna jaamu yalla wi li wërna manam le mot sahih fofu nonu limi tek moy valide valide manam contrairement ci hadith dañ nan authentique alors que fi dañ nan valide non sa prière est valide voilà moy comme par exemple moy il faut que mu dajalé ay conditions première condition bi mi dajal pour ñu na jaamu yalla di wërna d'ailleurs dans toute chose hein du jull kessé hein dans toute chose pour mbir mi wër il faut que d'abord condition yi mat lan moy condition condition moy lo xamantene ak amam da fay waral manam ak ñakam day waral ñakku mbir mi mais ak amam du waral am mbir mi du waral tamen ñakam ngir jëmum lool moy condition tay buma ne x condition la ci y limi tek moy x le fait que existé wul day wone ni y existé wul du deug mais c'est pas parce que x existé na que y day existé wala mu ñaka existé lool moy condition légui kon condition yépp dañu wara mat bi ci dess mom moy sabab bi manam moy cause bi moy lan moy li nga xamantene su fi nekké la fi mbir mi nak su fi nekkul mbir mi du fi nek lool moy sabab moy comme lan comme ñu né julli timis jant bi so sabab la jant bi so sabab la ci julli timis lool moy lan moy bu jant bi sowé julli timis day daali war bu fi jant bi sowul julli timis du war baam légui kon sabab fo mu nek fo ñu dajé ak condition yi ak pili ruk moy arkan moy ruknu pili moy lan pili moy lo xamantene moma condition ñoy am sauf que condition avant bir mi lay ne alors que pilier ci bir mi lay ne lool mo lay wutale comme tay bu ñu ne taxaw comme tay bu ma ne ñap condition la ci julli lool condition la moy lan moy bu ñap amul julli amul bu ñap amé teki wul ni julli day am teki wul ni julli day ñak ngir ni ñap rek amna mais bu fekkante ne lool moy condition legui su fekkante ne dañuy lan pilier comme tay mané kabar armal kabar armal wala bok taxaw gi may taxaw moment bi may tari fatiha wala fatiha ci bopam lool dañ koy tuddé pilier lutax parce que mom ak condition mo ñap bi ñoy am lan mo ko wutale ñap le moy ne mom ci biir julli gi la ne alors que ñap li ci biti la ne man préalable la légi bu pili yépp maté condition yi mat sabab yi nek ba param mu am luñu tuddé intifaul mawani' manam moy li nga xamne mom lañu tuddé mania manam li xagné li tax ba li warta mëna am lool yépp daqku tamit comme fait par exemple boudé djull ñu né jigen di gis ay mbaxam manam jigen di gis mbeureugam lool mania la ci djulli mëna wër tay manam tay bu fekkenté né lool lan moy mania bu ñé x mania la mania moy empêchement lui empêcher bu ñé x mania la ci y man da koy empêcher limi tek moy x bu fi nekké y lu mëna né moy contraire condition en fait moy x bu fi nekké y lu mëna né mais su fi x nekul tek téléwul né y da fi nekké téléwul ni du fi nek ngir né sa fi nekul lolu moy lan logique ni moy wax yépp ay logique du dara lu logique logique na wala logique nak wala en fait moy lan logique mom lañ nane mante wala moy lan moy né comme par exemple mbeur gis mbeur moy les règles plutôt master su fi nekké djulli du mëna né wor du mëna né par exemple mais c'est pas parce que nekou fi keñu da nga wara djulli que da nga wara wor ni que waro djulli waro wor parce que nekou fi lool moy mané légui pou nak def du nek mëna wër condition pour ñu la légui nak yépp bu amé manam moy condition yi moy surout charte lan pigni yi moy arkan rukni lan sababu ñi ngi fi ba paré mané yépp dañ nañ lool yépp buñ dajalowé ci lañuy mané né jëf ji nak wërna valide na nak légui comme julli su dé sababu yi tax ñu julli mi ngi fi moy heure du gussina nangam yoy sababu condition yi julli yépp taxaw na def nañ ko ha pilier yi ci bir julli yépp def nañ ko matal nañ ko ba paré li téré julli wër yépp dem na après légui xam nga lu ñuy dess dañ na julli ji wër na sax légui xolal subhanallah lool nak wouté nak ak lan nangou ak nangou moy al qabul julli gi wër na tekkelawul né nangou lañ julli gi dé amna différence entre nangou nañ ko ak wër na hein c'est la validité voilà bien c'est la recevabilité non l'exhaustion voilà exhaustion manam Est-ce qu'elle peut être reçue sans être acceptée? Elle peut être valide sans être acceptée, sans être exhaustée. Voilà. Donc valider, moi je n'ai pas rempli de ton obligation. Voilà, donc tu es un bâtard. Je n'ai pas entendu. Maintenant, Dieu l'a entendu. C'est ce qui est l'affaire de Dieu. Dieu l'a entendu, il ne l'a pas entendu. Après, il y a une affaire. Voilà. Mais en tout cas, on a valide beaucoup. Tant que valide, il y a le document. Lors, hadith est détecté. Lors, mon motard, mon la yaqballah, salat à ahadikum, iza ahdasa hatta yatawadda. Yalla du nangu julli kenn ci yeen su tojale mbete mu japp. Wa am lool day wone ne fi ko lu validul. Duñ ko recevoir. Du recevoir. Té ko recevable l'exhaustion mu tu am pour exhaustion voilà légui kon ñu déllu ci ci légui ñu jël xolal benen exemple sahih moy ci walu gantax Là, c'est le voilà les ce qu'on appelle la flore voilà la végétation voilà la flore voilà maintenant même buñ xolé gantax yi bu ñé ki di ñam gi manam sama moy le fruit mi na sahih manam mo la moy bax ñor na bu bax la mom wala mais wala xam nga bokul ak ak bele bokul ak bele mo wax yeb legui tay bu ñewé nit ki sahih wala moy wër contraire am fièvre la moy mara mom wax mo mari do dafa fièvre ay da wala wala wa gi nga xamantene wër no bar na am manam man da fièvre ñu legui ni sahih manam moy wër na legui manam moy jugé na ci fièvre gam fièvreol legui bien important wa bien important donc gisuni bat bi même mou bi selon domaine bi ñi wax manam ci médecine par exemple sahih bien important lay tek tek yu authentique wala valid bien important lay tek Voilà. Voilà. Moi, je vais vous dire que je suis un sahih, un sahih, un sahih. Comme je vous dis, je suis un sahih. Je vais vous dire que je suis un sahih. Je vais vous dire que je suis un sahih. Je vais vous ah ci ñatt catégorie moy lan sahih hasan ak da'if sahih moy lu hasan moy lan voilà parmi les 5 là il y a juste une condition qui manque parmi les 5 moy lan que c'est 6 en fait c'est plutôt non moy lan ah non, c'est pas la personne qui vous dit. Voilà, c'est ça. Moi, qui a fait maintenant, je dafa def manam manou na bax amé mokalam dafa def mo nek ci chaîne lu lolou moy Hassan donc roi la Seydi ah rek fa de ngune haza hadithun hasanun sahih wa wa hasan bahwa sahih wa Le précédent, oui. Dans le hadith, si je ne me trompe pas, vous savez dans Anas B, Radéran, vous n'avez pas le bon. Binaigarbi. Hadith ou Binaigarbi. Mais on l'a redéveloppé là jamais. Voilà. Je n'étais pas content parce qu'on a oublié. Voilà. Alors, c'est un masque de hein? Bon, voilà. Voilà. Moi, hadith ou Hassan ou Sahih, vous ne pouvez pas faire. Waxon nañ né borom xoxom yi dañ ci wut hein il y a beaucoup de hadith après ils deviennent sahih ça veut dire qu'il y en a beaucoup ouais et après la le fait qu'il y en ait beaucoup hein et ils étaient hasan sahih mais le fait qu'il y en ait beaucoup c'est assez assez certains sont hasan et d'autres sont sahih ñu wax hasan sahih wa lolu wax la bo xamantene kuma al-hafiz ibn daqiq al-ayn rahmatullah alayhi lolu la wax al-hafiz ibn hajar rahmatullah dali lolu moy su condition que hadith yi bari mais dafa am ay en fait ñom ñep dañu wuti yoy wax yu bari lañ ci wax gisoon nañ ko buñ ci tollé ay façon gisul la mais ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci jappone lool lay tekki moy la c'est juste lool kenn ngay gis mu diko wax keneen duko wax ba bo gisé né hadha hadithun hasan sahih dumbal nga wat nga jël sa loxo tek ko ci tal bi wat ne kan moko solo imam at-tirmidhi rahimahullah wa lol mom ñëw nga ci lol mom wal nga ci ñëmé jël sa loxo tek ko ci tal bi wat ci lool mais li imam hafiz at-tirmidhi rahimahullah moko solo hada hadith hasan sah mom moy wax lool wala kenen du ko wax d'ailleurs expression baat hasan ci mom le siwe hadithul hasan hada hadithul hasan wala avant mom imam al-bukhari rahmatullah alayhi jeufandiko nako mais mom dafa ni imam bukhari moko wax donc waxuko ci binduko ci terim avant mom al imam serignu imam al-bukhari ku tuddo ali ibn al-madini rahmatullah don nako wax lool lañ wax mais batay binduñu ko ci terim mais kiko ndeuk bindu ci terim baat hasan moy mom at-tirmidhi rahmalah leen nak mu boole len hadith hasan sah mom lañ wax wala mom la imam suyuti rahmalah don wax na al-hukm bi sihhati nana al-hukm bil husn wa nana nan ha naka la ko waxata subhanallah al-hukm bil husn nana نعم إن رواه الترمذي واستشكل وقيل معنى اللغوي ويلزم ولا فيه الضعيف وهو نكر لهم ولا الحكم بالحسن نافر سبحان الله على كل حال لم يوفق ها لا لا لا لا لا الحكم بالصحه والحسن على اوكي لولا الحكم بالصحه والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل فوالا لولا جيرجا رضي الله مانام بي اتي حديث بن متن حديث ياخو حديث دال ني ويرنا با بار ني رافتنا حسن ور صحيح با بار تكشي حسن حسن صحيح no lol imam at-tirmidhi moko solo ya rawahu at-tirmidhi waya nak wastashkala amna ci benen version ci al-fibi wastushkila manam ne lolou dafa tax dafa nek lo xamantene borom xam xam yi dañ ci ha dañ ci jaxle manam dañ nak mais li lu mu dewe ni li lan lay tekki qu'est-ce que cela veut dire wala mais ñu wax ci ay wax yu bari mais comme ñu xam non la mujjé won wax né lool mom moy li ci wax di gëna inshallah moy di ci gënd ak moy lool ñom imam ahmad shakir wax rahmuhullah moy dafa wax né lool limi tek lén la moy lan moy né hadith bi wirna et que c'est une forme de redondance de d'insistance pour wala né vraiment dafa wir mu na xal sa non sahih wala ce lool lool lay gëna tek voilà manam wir voilà il faut mou parce que mounou wax hasan sahih ci hadith bo xamne hasan rek la mais c'est que problème moy imam tirmidhi rahmalahu da koy faral di utiliser ci ay façon hadith yu wouté lool mom motax mais bon ala kulli hal kon légui nak mu am da'if da'if nak ci la lu bare bare dugul wara tolok 300 façon wu hadith ñu xam dañu ñaan lan li dafa daif manam bu ñe hadith bi dafa daif du benn façon kessé manam cause yi mëna tax hadith ñak wër dafa bari trop voilà tay wa légui kon ñu ñëwaat ci ñu hadith yi kon hadith bu ñëkk bi muttafaquna alayhi la manam tek teewlawul ñu non ma rek ko ñu ha du lool du tradition ba limi tek moy né ñaari imam yi bokku nañu deppo nañu indi ñaari imam yi deppo nañu ci solo amna keneen ci borom xam xam yi ko xamantene leg nek da fay wax muttafaqun alayhi te djublu wu ci lool ñaari imam yi nak moy ñam imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi leg la nak mu am ci amna borom xam xam bo xam nek leg day wax muttafaqun alayhi te djublu wu ci lool koku kan la lool moy ha ba indi tay wa al-majd ba moy mamu ibnu taymiya benen bu geuna ci wuri wa moy mamu kokku mom reference bu mag la ci mazhab hanbali wala xoxum reere tam ci xam xam hadith al-Majd ibn Taymiyyah bok rahmalahu mom kon mom mo lan mom lo mom dafa ni lan mom dafa wax ne mom bu waxe muttafaqun alayhi lan la ci djublu wala mo ne ñaar imam yi solo nañ ko wa imam ahmad ibn hanbal rahmalahu ci musnadam am solo nañ hadith lolou lay tax mais do mañe sina yeen borox mo bu waxe muttafaqun alayhi liñ ci djublu mo lan moy imam bukhari mom tawakkal allah solo kon version bu jekk bi ci suñu hadith ni imam al bukhari imam muslim rahmatullah ñom ñep solo nañ ko comme niñu koy di gisee inshallah ci tahrij bi version bi nga xamne mom la indi imam muslim moko solo manam sino imam bukhari version bi mu solo kuntu la kuntu aghsilu al janaba wolo bok al maniyya min thawb rasulillah sallallahu alaihi wasallam manam dafa am ñaar version benn bi al janaba la benn bi al maniyya la moy version bi nga xamantene mom moy bu abdan bi abdan moy kan moy abdurrahman ibn no abdullah ibn usman ñu nan ko abdan wa mom la hadathana mom bu xaraf la hadathana abdan qala hadathana abdullah abdullah moy kan ibn al mubarak al marwazi manam fo digge imam lan waxon nako ci yeneen hadith fo dege kan imam bukhari rahmalahu dal hadathana abdan qala hadathana abdullah bob moy kan al imam ibn mubarak al marwazi rahmalahu al imam ibn mubarak kenn la ci imam yi nga xamantene ñom ñoo ñeuk bind téré hadith yo xamantene dañ ko dajale def ko ci ay manam ordre lan ordre buntu yi ki nga xamantene mom mo ñëkk bind téré hadith ci lu ñu jott téré hadith bu ñuy jang ni man téré awwalu jami' al hadith wal asar kan la ku ñëkk def lool ibn shihab amirun lahu umar ha ya gonne ki ko ñëkk def moy al imam ibn shihab al az-zuhri moy muhammad ibn shihab az-zuhri al imam aw imam bu mako bob rahmo allah mom moy ki ndikala bindu téré hadith téré hadith ki ko digalon moy kan omar ibn abdul aziz radiyallahu anhu ha bu mu nekké khalifa omar ibn abdul aziz bu nekké khalifa radiyallahu anhu mom mo ne ha mom mo gis ne mom mo waxal ben serigne bu ñaan wax abubakar ibn hasan رحمه الله كتابي له بو مونيكو جيلل انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب ها داني العلم لا يضيع الا اذا كان خيفا خولال حديث يننتي صلى الله عليه وسلم لي تي ام نبندكو نين دي ديف تامي ay jota yo xamne da ngeen ci jangale hadith yentil sallallahu alaihi wasallam parce que xam xam buñu deful lool rek xam xam bi day reer te li xam xam du reer ludul buñu deme ba nga xamantene day nek lo xamne lan day laqatu fo gisee mu commencé laqatu rek bo meuntul lay mu reer xam xam mom bu commencé laqatu rek lay mu reer motax imam malik ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah dal wax nan moy duugulal liñ wax al gharaib moy lutum rankin manam moy lan moy ko xamantene limi wax ci mom rek ngui koy degge manam ci mom rek ngui koy degge dans le sens moy borom xam xam yi xamuñu ko lolou voilà mais bien sûr maintenant lolu nak lolu bien sûr que ci domaine xam xam yi lañuy wax mais waxuñu par exemple ci domaine yi nga xamantene moy domaine secret yoyu nga xamne yoy mom day am ño xamantene ñokoy xam après ñeneen ñi ci def waruñu leen ko xamal ndax xam xam lu bu laqato yoy waxuñu lool mais li nga xamantene mom moy xam xam bi nga xamantene manam moy xam xam mu diine manam nga deg nit di netali ci histoire yante bi sallallahu alayhi wasallam lo xamantene ci mom rek dañ koy deg doko fekk ci 20 heure ñu bindu ko lool lay wone ni wax joju wëru voilà moy la lay expliquer voilà lan moy até ci ko xamné ni pour jangalé par exemple sunna na bu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dimu gis né jamono mo dafa tumuranké mu inventé ben sëri après jokalé cyallalé be ci sallallahu alayhi wa sallam pour jangalé ben fée wa mais est-ce que wax do parce que xam nga tout dépend xam nga il faut ñu xam ben affaire moy wax yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam yi yep leer na jangalem fess na leral na nako paré manam soxlaatuñu soxlawuñu manam ñu né voilà soxlawuñu suñu sos soxlu te kep ku sosal yent bi sallallahu alayhi wa sallam yent bi néna nga préparer place bi nga xamantene yow rek lañ ko wajal bi sawar keneen bu wajul ko keneen man kadaba ala yah fal yataba man kadaba ala yah mutaammidan fal yataba wa maqadahu minan nar kep ko xamantene da nga wax luddul deug wax loma luddul deug ne man mako wax nga préparer place bobu nga xamantene yow rek lañ ko wajalal bir sawar kon lool mom lool da wara leer legui ñu ak lu la mëna pousser ci net la lolu baxu ak ku mëna do voilà ma ngi ñu la kon mais hadith bi xam li Omar ibn Abd al-Aziz hein radhiyallahu anhu kan ibn Hazm Abu Bakr nako demal nga bind leen lan yéne tibi sallallahu alayhi wa sallam yo xam mais mom muju ko bind parce que wala bu ko tambalé bind tamit tam mayu goko yalla def mu genn aduna ak imam benen imam Abu Bakar tamit moy kan Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah mom mo bind téré mo bind la han téré hadith moko jëk bind ndëk dagal ay téré wo xam daf fi bind ay hadith yéne tibi moko tudde sallallahu alayhi wasallam non ante ay kilo rek ay kayit la won dak han ibn shihab az-zuhri voilà manam dañ koy wax ibn shihab dañ koy wax az-zuhri ci ñaar yoy la gëna suuf ci wé voilà az-zuhri parce que manam dañ koy wax ibn shihab ndax mam ndax non dudd muhammad la tudd en fait ibn shihab mom du doom muhammad la ibn abdullah ibn shihab mam mo tudd shihab voilà ñu nan ko ibnu shahab voilà legui shahab bob mam papa mo tuddu haris ngay de al haris bob mom la papa tuddu zuhra zuhra bob motax ñu nan ko az-zuhri mom ak mam mom yeralti bi sallallahu alayhi wasallam fofu lañ bokke mam ci walu yaayam ndax aminata doomu wax bu la du doomu abdul manaf di doomu zuhra ta bob voilà daye manam yeen ci sama amé na mo yaayou mo wax bu wa kay nangam mom tabi'ila moy talibé sahaba yi voilà talibé sahaba yi kon mom mo ñëk bindu lool ñi nga xamantene ñoom ñoo dik dajale mu ne awwalul jaa wa awwalul jami' lil abwab jama'atun fil 'asr zuqtirab kabnu jurejin wa husaym malik ha wa ma'mar wa waladul mubarak wa kay sa question ci lay do bañu fetu mubarak moy kat abdullah ibn mubarak dafa ni ginnaw génération bobu nak ñooñu seen taal bi mam ñoom zuhri sallale période bi mu dund mom serigne ñoom imam malik la imam zuhri ci seen serigne mo gëna mag la bok ñoom nak seen génération bi ci tebu moy génération ñoom imam malik ñooñu ñoo ñëk bind ay téré hadith yo xamantene dañ koy organiser selon ay chapitre dal ni chapitre bu wax ci nangam bu nangam nangam imam malik ci le talibé téer bu ñu wax lan ha al muwatta Al-Muwatta. Voilà. Tu vois comment on organise son nom là. Hein? Son nom chapitre. Voilà. Par thème, voilà, par thématique. Exactement. Organiser théorie, hadith, par thématique. Ku ko def mom moy ñom ñoñu la mu ne nak ay mboro la mu ñu ne ki moko jëk def wala ké mais mboro lañ bo xamanteni dañ ko defando ci presse ci même période bi ñom ñoo bok mu ne kam ñu jurej al imam ibn jurej mom makala de kon hussein ibn bashir al wasiti mu mu ngi du kor wasé malik mo al imam malik ibn anas mom mu ngi du ko fa madina medina mo nawar han akal wa ma'mar moy ma'mar ibn rashid ber as-sanani sanaa yalla fola de ko moy ma'mar ibn rashid akal mona wa waladul mubarak moy abdullah ibn mubarak al-marwazi mo mar wala de ko manam kon ñoonu ñom ñoy ñu ñëk bindu téré hadith abdullah ibn mubarak bokku na ci limu rañé ko won mom moy dëgg aduna gu metti gu tar gu jiggi dayo giko yalla defalon mam dafa jigg dafa jiggo day de telle sorte que référence la ci won ci manam dëgg aduna lool mom motax ñeen di gis téré tasawufi ñu joxe exemple nan abdullah ibn mubarak waxna nangam abdullah ibn mubarak musna def nangam abdullah ibn mubarak musna jaar man fu dal mam ci téré tasawufi boko xol comme risal ko sayriya ak yeneen téré yi nga xamantene ñoom ñoo ñew ci ginnaw et cetera da ngay gis référence bu ma ko mag na ci mom mi ci bopam bindu na ben téré bu tuddé kitab zuhd téré bo xamantene day jangale tuddu am mom da ci wax dajala ko ay ci xam xam hadith ci hadith ci ay hadith yu ko dajala la doon def voilà al imam ibn mubarak laaj nañ ko benn bëss nako waaw yow ana kañ ngay bayyi lan kañ ngay arrêté ñang manam bind bi ngay bind di jang manam di jang di sax xam xam amo sirim maga mag la won déjà mais da nan sax xam xam lu bari aussi mune peut-être que limay bind te muy tax man ma sauver euleuk ci kanamu yalla peut-être que bindou mako peut-être que bindou mako manam peut-être que gisou mako wax ki nga xamantene momay jangal lay tax deug deug mom momay may sauver ci kanamu yalla amna mom ma perpétuellement da nekon ci ko xamne day sakko andak serigne bu maga mag la ñom imam malik ñom ñom manam ay mass la té même bigo bi la yoron aussi ci magay ñoñ ñoñ nga xamne ne xet lañ go xamne ne kenn du leen wax xam nga classification bobu ni classification ki woor na ki woorul ki nangam ñom bokku ñu ci classification bobu no laus al am mislihi lañ wax ñoo buñu leen laaj da nan ko melni koku kenn du laaj ay mbirum tay xam nga fim tool mi ngi mel imam bukhari kenn du laaj ndax woor na wala woorul kenn du ko laaj yow laaj imam malik kenn du laaj ay mbirum ndax wir na wirul ak ñom ñoo shafi ñom imam ibn mubarak non la meloon imam ibn mubarak rahmatullahi alayhi non la mel ha mom kon mi ngi ci generation ñom imam malik ba generation serigne ñom imam bukhari dëgg mom moko jëlé ci ku ñu wax hadith mom bi nak mom moko jëj ci ku ñu amr ibn maymun amr ibn maymun manam ibn mihran la manam mihran moy bayam mais da ko dinkul maymun ñuko koy askana la nan doomu maymun mom moko jëlé ci sulayman ibn yasar kenn la ci imam yu mag yi nekkon madinatu munawwara ala safina afdalu salatu wassalam nekkon borom xam mu maga mak bokkon ci fuqaha usbah borom ñaar xam xam fu reuy yoon Sulayman ibn Yasar ni mom ci la bokk nek serigne ñoom zuhri la xamantene mom zuhri tamit dafa don moy mom zuhri biñ doon wax legi dafa don nan xam xamam daanaka ci fann yeb Sulayman nak ibn Yasar mom mo ne dama laaj ay sayyidat Aisha sa'altu Aisha radhiyallahu anha an man ni yusibu sawba ay yaghsilu sawba aw yaghsilu aw yaghsilu thawba dama laj sayyidatu aisha radhiyallahu anha ki mbiru man yu bo xamantene dafa laj yere ndax dañuy fu yere yu dañ koy raxas mom ci bopam muné kuntu aghsilu aljanaba min sawb rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thumma yakhruju ila salati wa inna buqa'al ma wa inna fihi buqa'al ma ma man dan na rahas liñ wax janaba manam moy man niu dan na ko rahas ci yiri yenenbi bi def sallallahu alayhi wa sallam neena muy genn mais trace jeexital gi go rahasé ba par jeexital ndox mi neena ma koy gis ci yiri bi mu genn dem di julle ndox mom sallallahu alayhi wa sallam mais riwaya bi nga xamantene mom moy bi ni ni ni ni imam muslim moko solo mom ni ko jele ci abubakar ibn abi shayba min hadathana abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba mom moy borom nan borom musannaf amna ben tere bu ri bu mbind bu tudde al musannaf mun do musannaf ibn abi shayba rahmalahu tere bu ama solo la bo xamantene ben la wala bok yi melni mom tire yi melni mom dañ leen di manam dañ leen di wagné buñu xolé musannaf ibn abi shayba mo mel non ak musannaf bu abdur razzaq hmm ak lan mom la doon wax mo la na tara suñu waxe abdur razzaq rek wala mo gis parce que afar mom abdur razzaq bobu yow rek la xam lu tuddu non ah mom abdur razzaq as-san'ani as-san'ani deug kon moy muy musannaf bobu ak tahdhibul asar bu imam at-tabari rahmatullah manam buñu xolé ñet téré yoy ñom rek ñomel ni mu mel non bu amna benen bu ko jëfé moy al-muhalla bu al-imam ibn hazm rahmatullah bu len jëfé mais sino ñet yé ñom mi ñu mel ñom rek ñomel non ñom ño dajalé waxu pa wax yéne bi sallam kessé mais waxu sahaba yi tam radhiyallahu ta'ala ak seen ay vision manam seen ay avis yi ñu am ci masal fiqhi mu dagale len ak ay tian lay wër ba paré expression exact yi sahaba yi utiliser won ñom yoy lañ doon mom lañ ko doon dagale voilà al imam abubakar ibn shaybah bi shaybah bi nak mom serigne na ñom ci ñom bukhari ak ñom muslim talibé la ci ñom imam malik mom mo solo hadith bi ci kuñu wax muhammad ibn bishr pour ki al imam abubakar ibn abi shayba rahmatullah alayhi imam muslim dafa solo ci mom lu bare ci sahiham solo na ci mom lu tolok 3000 lu tolok 1000 hadith ak lo tellement que dafa solo lu bare ci mom kon mamour na tamit ben mak mom bo xam tane hafiz la comme mom bu tudon usman ibn abi shayba ko al imam abu daud rahmatullah alayhi day solo ci mom ci teyum ci sunan usman ibn abi shayba mais abu bakar ibn abi shayba mi moy rakam mais moko gëna mag moko sut ci walu xam xam bo gëna siw ligéyam mo gëna ragné ko comme quoi manam mak taxuta manam gëna nek goné taxuta gëna wala taxuta muñu dal manam taxu ñu gëna nawal la wala mom kon ci mohammed ibn bishr lako jëlé mom moko jëlé ci amran ibn maymun bi amran ibn maymun moko jëlé ci sulayman ibn yasar comme niñ ko waxe mom nak mom mo dal sayyidat aisha comme ni nga xamantene mom lañ ko waxe batay waye ci riwaya bu sahih imam muslim mom moy riwaya bi al imam al hafiz ibn hajar rahmalahu ta'ala indi fa ci bulughul maram mun kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya min thawbihi thumma yakhruju ila salati في ذلك الصوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه يلانتي بي دي صلى الله عليه وسلم دا فا دان رخص منيو ها ci lan ci yeureum dama da xam man yu ci yeureum kana nekkon na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaxsu dara xal man yu man yu han mun saw bi ci yeureum summa top yakhruju mu genn ila salati dayum ci julli manam do wa ana fek man am bour ma ngiss voilà lolu kon bob ben hadith la bo xamantene donc dafa wouté mais hadith bi comme ni wax nima ko waxe sank imam bukhari rahmalahu solo nok ci mom ni solo nok ci benen riwaya bobu rahmu qutayba mom dafa na hadathana qutayba ta qutayba mom la ibn sa'id al bukhari mom qutayba bob mom moy gëna mag mom manam ci ni imam an-nasa'i mësa gis borom xam xam bu mag la té imam muslim rahmatullah alayhi bi mu ndike dem makka bok na ci ñu ñu ko tassé jangé ci ñom lu bare ba imam bukhari bi rahmatullah jangé na ci mom ashabu kutubu sita manam moy ñi bindu ñaari sahihi ak sunan yépp jangé nañu ci lan ci imam khutayba bi bindu nañ solo nañ ay téré ay hadithom mom mo waxon wax du graw mo lo xamantene moy sédé bi nga xamné mom lañ wax né manam mom la gis né sédé gënu ko ri ci wone magay imam bukhari ndax dafa ni ndax imam qutayba ta jangale ci imam malik tok na ba jang ci mom wata bok jeex manam yag na ci imam malik gis na ñom imam shafi dase na ñom imam ahmad ibn hanbal ay morom lañ jang ni ci ñom gis na ñom ali ibn madini ñom xam day morom lañ gis na ñaari hamad ñu xam ñu mag ñu nekkon basara man xam imam yu mag yoy hamad ibn zayd hamad ibn salam gis na tamit hamad ibn usama muy ñettel hamad gis na ñom abdullah ibn mubarak biñu wax legi gis na sufyan ñaari sufyan sufyan as-sawri ak sufyan ibn uyayna gis na manam gis na tassena manam generation yu yep gis na ñom imam muslim ndax ay talibem lañ ñom imam nasa'i gis na le mune tassena tok na jota yona ak borom manam xam xam hadisi ta jota yona ak ñi mokal ñu bari jota yona ak jaam ko tu yalla yu mati jota yona ak nit ñi dudd aduna yu reeyi jota yona ak borom xel yu mati jota yona ak ñi nga xamne dañu bari teggel ñu jota yona ak ñom ñep waye ba mu juddo ba tay bima xamewé ba tay musuma gis ku melni muhammad ibn isma'il te talibum la man moy al bukhari man ñu juddo ba legi musuma gis ku melni imam bukhari wala bobu séré mom manam man gisuguma séré bu gëna mag séré bobu ci imam bukhari que séré bobu parce que fu fekkante xam nga li ñu mëna wax moy né mu mënon wax né ki day sëriñum la dako fo mais talibum la mu né ñu mustasil yépp bi mu juddou bu ligi bu mu xamé bu ligi atété gis nañu mag ñi ñepp mu né mom musul gis ko ku mel non lool day wone magay mom bukhari mom en fait c'était un blanc de peau wa mam bukhari wa blanc la sang wa dafa wextal ko européen la quoi ni quoi wa européen la wa en fait wa parce que ñu bëgg dañ japp né julli ci bëri nar dañ wal ni ko wala non quelqu'un comme dañ ñom ñep duñ ay nar dédé non mom bukhari ki la ouzbek wa ouzbekistan le quoi kon ça voilà si non ñom seen ciossan sax ñom seen ciossan déggu ñu won arab non dañuy jang arab comme ñepp ñun comme ñun ni ñi jang arab ñom non lañ jangé ki yépp si on de type européen là waaw sérignam moy tan sérignam bon bi non xam sérignu bari la yo voilà sérignu bare la voilà ki kenn la ci ñom moy Qutaybah ibn Sa'id al-Bukhari rahmalahu allah wa Ekrima non Ekrima sérignu voilà sérignu voilà moy Talib ibn Abbas voilà donc de nga mom kon mune mom wara kon kon Qutayba ci le solo way hadith bi al Qutayba ibn Sa'id mom solo ko ci Yazid Yazid nak borom xoxum yi rahmatullah dañuy wuté ci ban Yazid la ndax niñu solo wé sahih bi ma der ñen ñi dañ ko sax al Firabri al Firabri mom moy ki nga xamantene mom mo solo sahih Imam Bukhari manam ci mom le sahih Imam Bukhari siwe moy Muhammad la tuddu Muhammad ibn Yusuf ibn Matar al Firabri non la tuddu kokou mune mom mo solo manam ci mom luñ mujjé solo sahih bi ndax sahih bukhari biko imam bukhari bindé lu tolok ba limu kenn and lu tolok 70000 personnes jangé nañ ko ko al firabri rek ci ñu mujju ñu la bok ci ñi ko jangé wax mais mom la yalla def la yalla def ba manam lu upp ci ñuy solo sahih bukhari ci mom la ko solo motax sahih bukhari yi ñu mul ni manam moy riwaya bi nga xamantene mom la al firabri solo ci mom moy wa muhammad ibn yusuf ibn matar al firabri rahmatullah alayhi maintenant ñi solo ci mom nak yazid bi ni ñen ñu dañu ne yazid ha ne yani ibn zuraya ñeneen ñene ibn harun moy yazid motax dañ ci wouté boudé yazid ibn zuray wala yazid ibn harun moy al aidi mais ñom ñaan ñep mëna nek kenn ku nek ñom dutu façon ñom ñaan ñep ay sapt lañ ay xalé lool luñ koy tuddé manam ñom ñaari nit ñu bokku tour mokte al muftalif wal no al muttafiq wal muftariq voilà al muttafiq wal muftariq deng al mutta ha fiq wal mufta riq wa kay lol moy lan ha moy dañuy depo fenn wouté fenen comme yazid yi yazid ibn zuray ak yazid ibn harun ñom ñep ha ño bokku ñu turdu mais bokku ñu ñu sante mais bokku ñu sen tour papa mo len di différencier mais ñom ñaan ñep ñoo bok ay talibé bok ay sëri wa bok génération ba paré ñom ñaan ñep dañoo wër wala ku mel né la ku mel né yahya ibn yahya hein yahya ibn yahya comme wa amné wala soufiane mais comme bu né di wuni imam bukhari hadathana humaydi qala hadathana soufiane ha ها سفيا ولا ها سفيا اللي حدثنا يحيى ما نم مساعد ما يحيى مساعد الأنصاري ما نم بس عم يحيى سفيا نقول نلا نحمله بن سفيا نقص سفيا أم نتنيا نحمله تنه نم سفيا ما أب إبنو عيالنا إبنو سوري نم لا نقول نحن سان كلا نقول ibn Qutaybah ibn Sa'd gis na ñaari ñaar Sufyan yi han wa legi nan lañu xamé ni ñi Sufyan bi lañu wax wala bi lool souvent buñu xamé manam nit ñi pour ñu xamé le il faut que ñu mëna wax ñu mëna leena xamé far soit sen touru serigne sen tour sen sœur serigne wala sen talibé wala sen touru papa yi wala sen touru mami wala ñu mëna leena xamé ci dëkk biñu dëkk wala et cetera mais il faut mu am luy meuna tax ñu xamne ki diwle bu diw parce que lolu dana am incident su fekente ne lan du am incident su fekke ñom ñep ñoo nuro manam ne ñom ñep wëruñu wala ñom ñep dañoo wër lolu du am incident xaliss mais su dé wëruñu kenn ki da wër kenn ki wërul manam kenn ki dafa fiable ki di res fiable lu il faut nous def tout pour meuna xamé kan la ci ñom ñaar parce que suñ xamul kan la rek tay buñ ñëwé né ko xolu ci daara ji fi am nañ ko daara ji fi ni am nañ ku mel nu mel non ko tay buñ ñëwé ni Momadou Diaye néna nangam fiu tol am nañ ñun ñaar Momadou Diaye voilà voilà buñu waxé né voilà sidat voilà kon muy ñet ñun ñom la ñet mu wuru jaay kon voilà voilà effectivement ñet voilà amna ñet mu wuru jaay amna kenn moy ki deuk pon santé ki ci def moy jaay alcorane ki deuk wa runde vient ki ci def mo voilà muy ñet yo xamantene voilà effectivement parce que kérom ñu koy wax dafa commandé ben matériel internet bi ñu jël ko yobul ko benen jaay ben mo wuñu jaay d'ailleurs heureusement ko xamantene wala lool moy al muttafaq wal muftariq manam il faut ñu xam kan la ci ñom manam ni mu mënu jaay lu tuddu rek doyut légui doyutul manam bu ñu wax naan mu mënu jaay wax na nangam rek légui lool doyutul il faut ñu xam kan la ci ñom légui mais il faut ñu am capacité mënu leen différencier xam nga comme ni bu fekkene dañ nan ñom ñep dañuy fréquenter daara ji kon kan la ci lool mënu nekkati référence bu ne ñom ñep par exemple relativement jeune lañ lool tam doyut référence mais légui nak ñu luñu leen def mëna différencier moy né ki lan ki moy ki pour santé ki ñu wutul ko ci ah ndey alcorane ki ñu leen def man il faut ñu wut hein voilà Ibrahim ha voilà ba voilà ñom santé ñu leen di différencier voilà voilà mais effectivement buñu nek Ibrahim waxon na nangam pour ñu mëna différencer il faut ñu xam kan la ci ñoom ak naka lool moy al muttafaq wal muftariq voilà lool motax benn façon la ci xam xam hadith bo xam tane borom xam hadith yi dañ ci bind ay téré pour mëna différencer ñu bokku tour ni ak ñu mëna ñu bokku tour ni ñu bokku ci bokku jeune parfois génération mo le ndu tane comme Allah Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id am nañ kat comme Malik ibn Anas Malik ibn Anas wala bok Anas ibn Malik plutôt Anas ibn Malik amna juroom cinq kenn ki moy sahaba kenn ki mom moy papa imam malik bi et cetera manam ñuy bañ cinq donc il faut ñu mën len di xamé comme abdullah boudé comme boudé xolal même ci bir sahaba yi ñi nga xamné abdullah abadullah amna abdullah ibn umar abdullah ibn mas'ud abdullah ibn zubayr abdullah ibn rawaha Abdullah ibn Zaid Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Abbas ha et cetera man buñu xolé ñom ñi ñep ñep ñep ay ñom abadala hein manam il faut ñu di len di différencier motax solo wa dëkk yi ñom buñu waxe Abdullah rek nofi amna ku ñuy wax kan la ba ci buñu xolé légui ni gis nañ ko saxal ba bukhari sek la légui ni wala lamu ne hadathana abda qala hadathana abdullah abda neena abdullah neena to waxul kan la ci abdullah generation bobu ñu ci tuddu abdullah ñaan la mais nan lañu xamé ni ki moy am ki bi abdullah la wala hein manam lool moy al muttafaq wal muftariq manam lool lañu xamé mais motax motax xam xam hadith en fait bokku na ci xam xam yu gëna jafé en fait parce que dafa pointu dafa large dafa riche dafa bëri te surtout waxuma le texte hadith rek mais challale yi dañu bari ba fa rek nit ñi dañu bari nit ñi nga wara xam seen tour xam suñu dekk xam seen maram voilà hein est-ce que c'est juste le fait d'avoir le meilleur prénom ou bien la science de détecter de qui il s'agit parmi ces prénoms voilà moy lolu moy science science bi nga xamantene mom lañuy détecter kan lañuy wax buñ waxé né comme tay buñ né imam muslim mu né hadathana yahya ibn yahya bukul ak ci motax buñu gis na hadathana yahya ibn yahya parce que te pourtant ñom ñaar ñoo bokk même génération ñoo bokk même serigne moy imam malik bu ñu solo wé ci mom wat ci bu wata motax bo gisé xol imam muslim buy solo hadith ci mo tax lu ci upp ci mom la ko solo hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik nangam nangam dal di continuer wala qala akhbarana malik dal di continuer ha Yalla yalla sam xam nga kon kenn ku ci nek solo ki ngay wax la hein voilà kon imam al-bukhari ta alors que par exemple tay boudé imam muslim bu wax na yahya ibn yahya bok at-tamimi la at-tamimi alors que boudé ci mota ki ñi gis yahya ibn yahya bobu ñu gis al-laysi la kon su bëgg nek hafiz il faut nga xam li yépp ah waaw Non, si volonté volonté ak persistance lolu parce que ay nit ñoko mat ñoko def lu ay nit def la voilà si ñoo xamantene surtout amna yenn grand yo xamantene bo len waxe même ñu do ay jeune ça so len waxon tay football kat yi depuis les années 70 ba legui meun nañ le tégal équipe du Paris Saint-Germain ah wala Barcelone ba paré wax le trophée li ñu jël wax le finale coupe d'Europe Ligue des Champions kan mo duggal score bi ak kan moko duggal ak ban minute lañu duggal waaw de génération en génération maintenant là, il faut aussi baigner parce que compliqué aussi ñom bu la du luñ né ñoxon jaay rek ben way man ko il faut persistance faut une volonté et d'ailleurs ak n'importe quel là d'ailleurs même té la yéx tambali bi sax té bu da du blocage comme tout le temps à chaque fois dama koy netti moy Abu Salih bo xam tan tan mom azuri 60 bi amé 70 ans le tax imam Zuhri nan ko wax mais sama dom yow dama lay gis ngay dem ni mais loy def muneko man damay non dan dako don nuyu muneko fafa yow fa ngay xey muneko man ci marché bi muneko non waxuma lolou de manam boy jang da param ban xam xam ngay fi muneko no man marché rek la daw ko da yow nak muneko man da bay jang hadith muneko luy hadith muneko moy wax yentibi bi wa salam ak xam xam yi ci aji muneko so beugé sax man mën na la jangal yow kon jangoo muneko dedet muneko kon dana la jangal bu say ma rombati fi bala may dem rek ma jangal la mais pourtant mo bok na ci dem na ba bok ci ñi xamne dañ ñoy imam yi nga xamne seen hadith yi ñi ci sahih yi ñi ci sunan yi et cetera dañu solo ci imam az-zuhri wa en part de 70 ans Si si. Nit mu togaat di defar ci gis ab benen way ñew ñu ubbil ko wacc ñu dugg dugg ñu ubbil ko ñene ki kan ñu nekk ab qadi la quoi moy juge ñu ubbi wat ci lacc ci ki kan ñu ne wa ki benen borom ko xam la ki mom ci affaire fiqhi lay yëngatu nangam manam mu setlu ne a chaque fois mu laaje rek man mbir bi day wërwërlo ci xet xam xam ci xam xam da mu na xaar la na madam jangé jangé to ha ku melne kan mahazo mo lon don wax ci voilà ci jaket voilà mais mom bi mi am 3 ans ala sax la 17 ans plutôt bi mi am 17 ans jangul dara aliful baawu sax xam ko ba bi mi am 17 ans dafa ñew rek mais mom comme mom exemple la ko xamantene dafa bolé ay handicap en fait handicap social parce que xam xam tamit dafa am ay yo xamantene nit ci suñu nekké pour mu nek borom xam da koy xawa jaxé tout moy déjà ci jigéen ñi rek la yaro mom jigéen ñi ñoko yax amul won entourage amul won goor té lool handicap bu mag la ci pour nit ki am acquérir yenn yi benen bi ci def mom moy dafa ki la moy mom ci palay la yaro manam ñoom seen waqtu ay bour lañ ñu ay palay lañ manam minnalé ñoko yar ko légui mom benn jour dafa ñew ci jakk ji duggu ci avant takusan benn way nako bo duggé ci jakk da ngay jukna fi mu daal jukna fi ñu daali julli tax san julle ben neew yobbu ko mu daali delu ci wat jakkaji nara julli ta tambar di julli ñu nako non heure bi kenn du ci julli mu na no kon nak ko mo jall mu laxas bu mu mo nekkon imam bu mag bi nekkon andalousie bi nga xamantene d'ailleurs buñ xolé mazhab zahir yi nga xamantene daan ken xam ko mom moy imam bi nga xamantene mom mo genn mazhab zahir d'ailleurs mom shawkani lay wax na rahmoula imam ibn hazm xamnu ku ko gëna mag ci ko xamantene xamna manam maîtriser na waxu sahaba ak tabi'i comme mom ñu ko xam et que manam al muhalla téré la bu bi mu bind ci fekk ci gi nga xamantene mom la doon wax sank ne mom mo nuro ak yenen yi ci def moy musannafi bu imam abubakar ibn abi shaybah ibn imam abdur razzaq ak bu tanzibul asab imam at-tabari mom mo bind benen téré bu melni téré yoy moy al muhalla té non seulement ba para def ko ci même méthodologie wu ñoo non té génération té ñoñu ñoñu ëppalé nañ ko manam rawé nañ ko sante boudé ñé rawé nañ ko environ 200 années manam 2 siècles boudé imam tabari rawé nako lu non ñom sax lool la ñom ñep rawé nañ ko 200 ans ñom ñep parce que mom tabari tam génération bobu dund ñom ñep rawé nañ ko 200 ans waaw 2 siècles après la ñew ba paré bindu téré bu melni comme ñom ñu bind ci même méthodologie même façon voilà et que mo sauvé mazhab zahiri lolou la don wax ñom al baji wala mom am bak ki ñom abul walid al baji rahmalahu ñom ñu nekkon biñ nekké andalousie ñu nekké espagne mu leen ben wax na leen yeen fekkal ba al baji rahmalahu mom période bobu mom mo sauvé mazhab maliki fi parce que sinon ibn hazm ba paral mom ibn hazm li ci yeen moy mom bougeoul lu beuri comme ñeneen ñu bougé lu beuri mom bougeoul lu beuri comme ñom al-hafiz ibn abd al-barr ñom rahmatullah parce que ñom période da fekkon ay xex yu bari am guerre ak yoyu ce qui fait que fu beuri fu mënon dem amuko loolu la leen doona man demuma fenn loolu la do demuma fenn ma yaro ci palé yaro ci digënté jigéen ñi fo paré ñew ëpp leen xam xam yeen nan ngeen def loolu la doon def voilà heureusement que ñu mel ni ñom imam al-baji rahmatullah alayhi amon nañ période bobu pour sauver vraiment mazhab maliki parce que sinon ñu ñep ay ki lañ doon nana ay zahir lañu nekk tellement que mom il est dafa voilà ala dafa xam xama vraiment dafa remarquable voilà len rek mom rek moy ki nga xamantene mom lañ xam ci ko xamantene dafa am benn jikko bu ne ci mom te téréwul borom xoxum yépp magal ko mom kessé la té mom moy dafa wéx waaw buy wax budi wax ak ki day parfois day té critique yu sévère ci borom xoxum mom rek momel non and ak lool yépp borom xoxum magal ko quand même lool day wané talent yu am parce que su fekk woon né du ko exceptionnel wa ay téré mi dañ ko ki mais ni mi waxe wax ju tang jeur la mom lañ doon wax ko amna voilà mais ko xamantene ci ay jigen kessé la magge ba paré amul conséquence bu négative ci mom man kenn rek la ci xam moy al imam ibn hazm té sax amna conséquence si mana amul présence masculine voilà mom la xam té amna sax conséquence ci mom moy né moy ni mi waxe moy parce que souvent ñoo ñu leen di manquer moy savoir vivre mo leen di manquer voilà motax même ni manam socialement ni borom bi tégué société bi mu dafa mat di sam lolu mom motax ci bi graw li gaay di def xamou gestation pour autrui gestation pour autrui yoy non buñ ko bëggé def pour couple homosexuel lolu motax mu graw parce que do am équilibre bi nga xamantene xalé bi do am équilibre bi mu wara am di gis goor di gis jigen manam di gis ko xamantene day am day jouer rôle jigen ji rôle yaay et cetera même boudou yaayam mais muy jouer rôle bi ak ko xamantene day meuna fi nek di jouer rôle papa même boudou papa lolu mo motax mu graw parce que après socialement da jé problème ba paré même dañuy gis sax né même ñi nga xamantene dañuy magalo ak seen mam yi manam papa da fi né yaay né fi ñepp né fi ñu am mam aussi même ñoñu sax duñu bok ak ñi nga xamantene amuñu lool même ñoñu sax duñu bok waaw wa xamna ñu yom fofu inshallah do joxal bu ñu ñu yéne wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ابراهيم Я не знаю, что это такое.